une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de notre histoire du week-end, Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez nous ont raconté l'histoire de Gino Bartali. Au moment où Mussolini instaure les lois raciales fascistes de 1938, le cycliste Gino Bartali gagne son premier Tour de France. S'il ne peut s'opposer frontalement au Duce, Gino va mener dans le plus grand secret des actes de résistance dès 1943, alors que les rafles et les assassinats contre les Juifs s'intensifient suite à l'invasion allemande. Il va acheminer à bicyclette de faux papiers cachés dans le cadre de son engin, une action qui lui permet de sauver près de 800 Juifs. Gino Bartali, surnommé Gino le Pieux, n'a jamais évoqué ces actes de son vivant. Retrouvons-le au cœur du monde du cyclisme, tout de suite, dans le second épisode. Copie, c'était une structure échassière. On ne savait pas d'où émanait la force. Bon, à part des capacités internes, comme Anquetil, surnaturelles, des poumons approchant presque les 7 litres, un cœur à 40 pulsations, un rapport entre la taille du tibia et du fémur extrêmement favorable, parce que ça, c'est une question mécanique, c'est la question du levier. Coppi était inapparent. Bartali, lui, est né avec un bâti. Il est assez taurin, une charpente. C'est la génétique paysanne, c'est-à-dire que des os lourds et une capacité au portage. Les deux échappés de la petite reine. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Anne Pérez. Tous les deux affrontaient à l'époque une nature totalement sauvage et des routes empierrées. Quand ils arrivaient en haut de montagne où la foudre tombait sur les vélos, où les étincelles parcouraient le cadre en métal, j'ai eu des échos de coureurs qui arrivent à 1800 mètres et ils sont à l'intérieur d'un nuage orageux et l'électricité est visible sur le vélo. Donc ces coureurs qui vivent ce genre de choses sont obligés d'être en contact avec une sorte de foi. Fausto Coppi sale così alla ribalta della grande avventura. Il gregario di Bartali, l'uomo che non è nato per fare il porta acqua, tallona il suo capitano. Bartali Coppi, une rivalité italienne. Deuxième partie. En 1946, dans cette Italie vraiment qui est libérée, on va dire, ou qui se libère elle-même, qui souffre, qui a faim, qui est brisée, qui est la proie des attentats, parce que le régime politique n'est pas du tout stabilisé. On ne sait même pas si on va garder encore la monarchie ou si on va passer à un régime de type république. Alors, à ce moment-là, les journaux se rendent compte que le Tour d'Italie cycliste est peut-être l'événement qui va permettre à l'Italie de relever la tête, de se retrouver des histoires, des héros bien sûr pour une fois positifs. Et ils vont décider non plus d'envoyer des journalistes sur le Tour d'Italie, mais des écrivains. Et les écrivains vont faire un travail tout simplement d'écrivain. Ils vont raconter l'événement, non pas étape par étape, kilomètre après kilomètre, crevaison après chute, les vainqueurs, les victoires, la manière dont s'est déroulée la conquête de la première place, mais ils vont raconter un événement dans sa totalité. On va à la fois se lancer dans une fresque sociale, parfois dans des digressions d'ordre philosophique, dans de la poésie, dans du théâtre, on va convoquer la mythologie grecque, les grands duels, et là, on va poser sur le Tour d'Italie une grande scène, dès très tôt, et les coureurs cyclistes vont tout de suite comprendre l'intérêt pour eux de se fondre dans ce qu'on attend d'eux, justement dans du théâtre. Et quand Coppi et Bartali comprennent que les grands ressorts narratifs du Tour d'Italie ne sont plus ceux du sport et de la conquête du maillot rose, etc., mais tout simplement ceux des grandes passions, de Shakespeare, eh bien, ils vont se livrer un duel, et ils vont l'accentuer, ils vont l'exagérer. Au fond, il y a une imbrication très subtile entre la légende et la réalité. Le mystère physique de Bartali ne saurait s'expliquer si l'on oublie que la vertu fondamentale des paysans de Toscane, c'est l'endurance. Jointe à un sens de l'économie, au physique et au moral, poussée jusqu'à l'art. L'humain est plus développé chez Bartali que chez Coppi. Bartali est un homme, Coppi un robot. Le mystère physique de Coppi est lié à la nature même du peuple piémontais, un peuple dur, travailleur, aux grandes traditions militaires, qui après avoir achevé, par des guerres ininterrompues, l'unité et l'indépendance de l'Italie s'est vouée aux machines, aux moteurs, aux progrès techniques et industriels. Il y a du sang dans les veines de Gino. Dans celle de Fausto, il y a de l'essence. Da Cuneo a Pinerolo, 254 chilometri, con cinque colli da scalare e precipitare. Maddalena, va, Isoar, Montenegro e Sestriere. Sui colli dei Pirenei e delle Alpi, Fausto è ancora fresco come il giorno della partenza da Brest. L'opposition à copier Bartali, elle a été absolument démente à un moment. Philippe Bordas. Où l'Italie était déchirée. Déchirée par quoi? Par le fait qu'elle avait été du mauvais côté. Donc, elle devait payer l'adhésion à Mussolini, l'adhésion à Hitler, le fait que son clergé n'ait pas été à la hauteur. Donc, il y avait tout ça qui était en jeu. Et puis, il y avait la guerre quasiment civile entre le Parti communiste et la démocratie chrétienne, qui est quelque chose que nous, on a connu avec un Parti communiste extrêmement fort après-guerre et De Gaulle qui s'en méfiait. Mais il n'y a pas eu la structuration totale d'une société suivant ces deux pôles comme il y a eu en Italie, quoi. Mais les deux pauvres paysans Coppi et Bartali sont devenus les symboles d'un enjeu qui les dépassait complètement. Je suis même pas certain qu'ils arrivaient à assumer. Coppi s'est jamais vu en héros machinique prolétarien. Ce qu'on aurait pu coller à Coppi vu sa façon d'être, et avec cette métaphore magnifique de Malaparte qui pense que du pétrole lui court dans les veines et non du sang divin comme Bartali, on aurait pu mettre sur Coppi les oripeaux du prolétariat artistique ou le manipuler jusque-là. Mais ils étaient assez récalcitrants. Mais bon, il y a toujours le côté comédia du journalisme italien avec les mises en scène. C'est-à-dire que on va faire une salutation au pape, le pape vient bénir le début de la course, il y a encore tous ces rituels-là. Et puis après, ça peut être un homme politique qui vient, toujours beaucoup de récupération et d'héroïsation aussi. Parce que c'est vrai que... Il y avait des femmes qui embrassaient la route après que Bartali soit passé, qui jetaient des pétales de rose. Il y a eu des choses absolument dingues. Moi, je me souviens que j'ai récupéré un 45 tours qui se vendait en kiosque, mais dans les années 50. Et sur ce 45 tours, si vous l'achetez avec François ou Le Monde, vous aviez le son du glas de l'enterrement de Coppi. On revient à l'ère des reliques et du fétichisme religieux, quand même. Quand on voit pédaler Coppi, qu'on voit ses chutes, à chaque fois qu'il tombe, il se casse. Il y a une auto-crucifixion permanente. La geste christique, elle est du côté de Coppi. C'est ça qui est très étrange. Et c'est pour ça que l'Italie a aimé les deux, un peu de la même façon comme des transfigurations religieuses. Ces coefficients religieux, on ne les a jamais eus en France. Jamais. C'était toujours le héros anarchiste, façon les frères Pélissier. Les pétardiers, c'était toujours dans la suite des grands écrivains comme Maurice Leblanc ou après Alfred Jarry, les premiers amoureux du vélo, le côté français de l'anar révolutionnaire. Le prestigieux Coppi démarre et rejoint Le Guilly avec une facilité déconcertante. Le campionissimo franchit seul le sommet du Galibier à 70 Fausto à l'heure, Coppi, c'est un coureur qui est taillé dans le même moule que ses prédécesseurs champions cyclistes, un homme du peuple. Un homme qui vient d'une famille pas riche du tout. Dans cette région, on va dire, sur la route entre Gênes et Turin, à peu près, disons, sur cet axe-là. Il est commis charcutier. Il livre à vélo, dit-on, la viande aux clients, et c'est comme ça qu'il va faire ses premiers tours de manivelle. Coppi, ses parents sont assez peu chauds lorsqu'il leur annonce qu'il veut pratiquer le vélo. Il fait la connaissance d'un soigneur aveugle qui s'appelle Cavana et qui va être l'homme qui le prend sous son aile, qui lui apprend les rudiments du métier. Ce soigneur aveugle va avoir une influence considérable dans la vie de Coppi. Et Coppi, disons, n'est pas immédiatement surdoué. En tout cas, il l'est à l'échelle de sa région. Il l'est aussi lorsqu'il va disputer les premières compétitions en 39, en 40. Mais en 40, personne n'imagine qu'il va aller remporter le Tour d'Italie. Coppi, c'est un homme qui n'a jamais oublié ses racines. Lorsqu'il aura un peu d'argent, il va acheter à sa mère un frigo. La mère de Coppi est tellement étonnée, gênée, qu'elle va transformer le frigo en penderie. dal volto del Plutone sono scattati gli assi alla caccia dei fuggitivi. Bartali, Coppi, Bobet, Magni, Schott, evidentemente decisi a sventare ogni Bartali, c'est surtout la période, le style et ce qu'il incarne qui va l'élever au-dessus et en faire une légende. Il est très très apprécié parce que c'est un homme dans lequel on peut se reconnaître. Un père disparu très tôt, terrassié, son père, il y a évidemment une petite minuscule exploitation agricole derrière tout ça. Bartali va être mécanicien de cycle pour gagner quelques sous. Bartali, c'est le laborieux, c'est le cycliste laboureur. C'est pas quelqu'un qui dégage une image, en tout cas, de grâce aérienne, comme va pouvoir plus tard le dégager Fausto Coppi. Il est aussi habité de valeurs relativement conservatrices. Donc là aussi, disons que la partie sud de l'Italie va pouvoir s'identifier en Bartali, qui est pourtant un homme du nord. Hein. Il est né à côté de Florence. Bartali est très religieux, son frère, qui était aussi cycliste, est mort d'un accident à vélo, ça va accélérer sa foi religieuse, et évidemment la religion en Italie va être une religion d'État. Bartali est aussi le héros de ces époques très troublées, dont il va être à la fois le reflet et une manière de s'émanciper. C'est celui qui va être poussé dans les orties par le jeune, l'impétueux Fausto Coppi, et qui va se battre pour ne pas tout simplement perdre sa position. Et de par cette pugnacité, cette constance, cette manière très agricole de faire du sport, un coureur de fond, un coureur de train en montagne qui avait une capacité d'accélération, mais qui restait quand même plutôt sur sa selle avec des développements assez grands, comme on avait à l'époque, des gros braquets, il va continuer à parler aux Italiens. Il va franchir deux décennies. Bartali, c'est quand même un de ces cas assez rares dans l'histoire du cyclisme, capable de gagner le Tour de France avant-guerre et après-guerre, le Tour d'Italie avant-guerre et après-guerre. Donc c'est deux époques, parce que la guerre c'est clairement une fracture à ce moment-là. Autant Bartali avait toujours besoin de recevoir des dévotions, des encouragements, le blâme comme la louange le ressoudait au groupe. Il faisait des petits sauts de puce, mais toujours de façon à être vu du peloton, parce qu'il voulait toujours rester en position d'idole avec des gens qui le voient. Coppi, c'était faustien, c'était complètement différent. C'est l'homme du hors-cadre, du hors-champ. Il voulait toujours s'échapper, mais quand Coppi partait, c'était plus pour se battre avec d'autres adversaires, c'était pour se battre contre lui-même. Il a fait 3000 km d'échappée solitaire consécutive dans sa carrière, où il n'a jamais été rejoint. Donc, il a fait des échappées de 190 km. Ça veut dire que c'est 5 heures où on est seul dans la nature. Où va le cerveau dans ces moments-là? Chiesto a Bartali, vincerai il Giro di Francia? Gino ha risposto così. Evidentemente è di buon umore. Fausto Coppi invece è chiuso in un riserbo che confina. Si rencontre dès les années d'avant-guerre. Ils vont même être coéquipiers sur le premier Tour d'Italie. Coppi vient pour aider Gino Bartali, le leader, le campionissimo de l'époque, à gagner un nouveau Giro. Mais après-guerre, c'est la bataille. C'est la bataille parce que Coppi a comblé son retard sportif et il a acquis beaucoup d'expérience pendant la guerre. Il a notamment battu un record de l'heure en 1942 sur le vélodrome à Milan. Et en 1946, la rivalité est lancée. L'un et l'autre ne courent plus maintenant pour la même équipe. Et bon, il va y avoir des passes d'armes très serrées. Et Bartali va rendre aux jeunes la monnaie de sa pièce et de nouveau gagner le Tour d'Italie. Sont-ils ennemis? Non, ce sont les maîtres du cyclisme de l'époque. Ils vont gagner pratiquement tout ce qui peut être envisageable. Ils vont tirer des bénéfices énormes de leur rivalité. C'est comme ça qu'on va trouver en 1948 Coppi et Bartali dans un film. La grande saga cinématographique de l'époque qui s'appelle Toto. Alors Toto, c'est, on va dire, le Charlot. Toto décide de courir le Tour d'Italie. Siamo finalmente alla partenza. Questo Giro d'Italia si preannuncia veramente interessante. Per la prima volta sono allineati sul nastro del via gli assi più celebri del ciclismo internazionale. Ecco, notiamo Ortelli, Bartali, Ricci, Magni, Coppi, Bobet, I corridori conversano cordialmente tra loro, ma di certo in ciascuno non esiste che un pensiero, un'aspirazione, arrivare primo al traguardo, l'agognato traguardo che consacrerà... 1947 est une année absolument passionnante, fascinante, qui fait monter la rivalité d'un cran entre les deux hommes. En 1947, sur le Tour d'Italie, il va y avoir cette histoire incroyable. Lors de la première journée de repos à Pescara, un coéquipier de Coppi va voir Bartali et lui propose pas moins de 1 million de lire pour laisser Coppi gagner le Giro. Alors, c'est probablement pas Coppi en personne qui a envoyé cet émissaire, c'est davantage la marque, l'employeur de Coppi qui voulait par tous les moyens gagner le Tour d'Italie. Bartali, qui raconte l'histoire, affirme qu'il a refusé. Donc, on ne recule devant aucun moyen. Il 14 luglio 1948, Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista e leader dell'opposizione, subisce nei pressi di Montecitorio un attentato. En choisissant de participer au Tour de 48, Alberto Toscano, Gino Bartali fait un acte de engagement moral et politique, en plus que sportif. Personne n'a gagné le Tour deux fois à 10 ans de distance. Et le Tour est à Cannes, le 14 juillet, et quand? En Italie, il y a l'attentat au chef du Parti communiste par Palmiro Togliatti. L'Italie est au bord de la guerre civile. Le chef de la démocratie chrétienne et président du conseil italien, Alcide De Gasperi, appelle le soir Gino Bartali et lui dit « Nous avons besoin de bonnes nouvelles ». Seulement cette phrase. Gino Bartali, le jour suivant, se déchaîne dans une étape mythique. Il gagne 20 minutes sur l'Isère Bobet, une seule étape alpine. Et ensuite, il gagnera le Tour. L'Italie, entre-temps, s'est rapacifiée. Alors, ceux qui disent que Gino Bartali a permis aux Italiens d'éviter la guerre civile disent une bêtise. Gino Bartali n'a pas permis. Mais la victoire de Gino Bartali au Tour de France a quand même donné une petite contribution à redonner un peu de sérénité aux Italiens. Donc, il y a quand même cet aspect fondamental dans l'ensemble de la carrière de Gino Bartali qui a été sa victoire extraordinaire et les Français l'ont applaudi. Les Français l'ont applaudi en 38 quand il a refusé de faire le salut fasciste et l'ont applaudi en 48 quand il a montré la détermination de quelqu'un qui voulait gagner pour rendre quelque part un service à son pays et quelque part aussi un service à l'amitié franco-italienne. Le lendemain, dans Briançon-Aix-les-Bains, Bartali affirma définitivement ses prétentions au maillot jaune et détruisit d'un seul coup les espoirs de tous ses adversaires. La victoire de Bartali n'alla pas cependant sans que le jeune Bobet se défendît jusqu'à la limite de ses forces. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes coureur cycliste, est-ce que vous avez modifié votre alimentation depuis le début de votre carrière? Mais j'y suis venu, remarquez. Les Italiens l'avaient compris avant nous. C'est évident que les pâtes, ça, c'est ce qu'on dit toujours, c'est un aliment qui est riche et qui est en même temps léger, n'est-ce pas ? Coppi va être cité en exemple de professionnalisme total sur ce qu'aujourd'hui on appellerait la nutrition. C'est quelqu'un qui ne s'encombre pas l'estomac, mange des boulettes de viande, fait mariner sa viande donc elle est plus digeste, toute une nuit avec du citron, avec de l'huile d'olive. C'est quelqu'un qui fait évoluer le textile, qui travaille à l'amélioration de la géométrie des cadres de bicyclettes, qui aussi va travailler très très bien ses relations médiatiques, qui va développer un réseau, on va dire, oui, le clientéliste au sein du peloton, des coureurs d'autres équipes concurrentes vont être mis à contribution par Coppi, y compris contre rémunération, pour aider Coppi dans certaines occasions. Et oui, le dopage fait partie intégrante de son professionnalisme, c'est-à-dire que Coppi, à l'époque, il est loin d'être le seul, mais peut-être qu'il va pousser la maîtrise du dopage à son comble, Coppi consomme ce qu'on appelle la bomba. Fausto, tutti i corridori portano una borracetta nella tasca posteriore dei calzoncini. Se vi domandano cosa contiene... La bomba dovrebbe essere un paio di gambe di ricambio e composta di ingredienti segreti. I più importanti sono la simpamina e la fiducia che la bomba funzioni. Coppi, en 52, il est interviewé. Jean-Pierre de Mondenard. Et le journaliste lui pose la question. Vous prenez la bomba, alors la bomba... C'est la dynamite, et la dynamite, ce sont les amphétamines. Et Coppi répond, oui, bien sûr, je prends la bomba, et ceux qui disent qu'ils ne la prennent pas sont des hypocrites. Parce qu'ils gagnaient tout. Il faut savoir que entre 46 et 53, chaque fois qu'il s'est échappé, Coppi, dans une course classique ou autre, il n'a jamais été rattrapé. Donc ça, ça a créé l'attirance vers les amphétamines. Donc tout le monde prenait les amphétamines. Et comme il y en avait dans tous les pays, libre en pharmacie, vous n'avez pas besoin d'ordonnance, il est le déclencheur de la pandémie amphétaminique. Et donc Bartali, il passait son temps à surveiller, notamment dans les grands tours. Et dès que Coppi partait pour signer la feuille d'engagement, Bartali fonçait dans la chambre de Coppi, récupérait tout. Il savait, la vue des produits trouvés, à quel moment Coppi allait attaquer, parce que chacun avait donc des particularités. Hein, il fallait le prendre au bout de 50 km, l'autre au bout de 150, voilà. Donc il savait quand est-ce qu'il fallait faire attention au démarrage de son adversaire. Coppi, en grand professionnel, va faire un usage, puissant des amphétamines, au nom d'une idée selon laquelle les grands coureurs sont aussi les grands consommateurs de produits dopants. Parce que il n'est pas donné à tout le monde d'ingurgiter d'aussi grandes quantités. En tout cas, si certains avaient voulu prendre les mêmes doses d'amphétamines que Coppi, eh bien, peut-être que tout simplement, ils seraient morts. Parce qu'à l'époque, on mourait des amphétamines. Dès les années 40, il y en a, en Italie. Donc, à l'époque, ce n'est pas encore répréhensible. Il avait découvert tout ça dans les camps de la guerre, auprès des soldats en Tunisie. Bon... C'était un être d'énervement, de tension, d'inquiétude. Et le problème, c'est qu'à un moment, il a outrepassé ses forces. C'est pas juste les amphétamines, c'est le fait de faire des échappées de façon permanente de 100, 150, 190 km. Ça représente mais un effort énorme. Donc il a fait ça, il a trop couru. En plus, il est tombé en deuxième mariage avec la Dame Blanche, qui était quand même une grosse bourgeoise... intéressé et cupide, et qui l'a obligé à courir, mais vraiment jusqu'à extinction des feux. C'est-à-dire que peu avant sa mort sur le Tour d'Espagne, c'était en 59, c'était vraiment un Coppi méconnaissable, un fantôme, une loque. Il avançait pas, il était gorgé de produits, mais son corps n'avait plus aucune sève. Il avait vraiment usé son corps. Je pense qu'il est aussi mort d'un épuisement... L'épuisement de sa démesure, de son titanisme, de ce goût de l'argent qui lui arrivait sur la fin, parce qu'il vivait bien. Mais à l'époque, on n'avait pas non plus le recul pour savoir quelles étaient les conséquences de tout ça. Et puis, lui, il a été aussi découvert par Biagio Cavana, son masseur aveugle, qui a tout de suite vu qu'il avait un corps d'exception, qui peut-être, dans sa cécité, s'est vu une prérogative dans l'illimité et l'a poussé sans restriction, parce que il y avait une projection commune. Quand Coppi gagne le championnat du monde, il y a une image, la seule qu'on ait comme ça, où on voit Biagio Cavana avec sa canne et ses lunettes d'aveugle, qui erre en pleurant derrière la ligne d'arrivée, mais comme un vagabond touché par la grâce. Donc je pense que c'est une histoire de deux personnages. C'est très faustien, cette histoire avec Cavana. Coppi ne croit qu'en l'homme, la machine homme. Il sait que l'homme est seul, seul dans la nature aussi bien que dans la société, seul en face de sa destinée. Il ne faut pas se laisser tromper par son sourire, par ses yeux vifs et luisants, par ses mots clairs et légers. Coppi est un homme seul, un homme triste. Sa solitude, sa tristesse sont celles mêmes des machines d'acier. Lorsque Bartali est assis au coucher, il est un athlète au repos. Quand il est assis en silence, immobile, Coppi est une machine arrêtée. Le climat de son repos est une atmosphère de chômage, de grève générale. Bartali était beaucoup plus mesuré. Il n'aimait pas la tricherie ni l'injustice. C'est pour ça qu'il secourait les Juifs. C'est aussi pour ça qu'il se secourait lui-même, qu'il mangeait bien, qu'il faisait attention, qu'il ne rognait pas sur ses plaisirs. C'était pas un ascète. Il fumait sa clope, il buvait son bon vin de Toscane. Il avait toujours un léger surpoids, sans doute, par rapport à Coppi avant de commencer la saison. Mais il s'est économisé, il a survécu. Alors bon, lui, il croyait en Dieu, mais il a bien vu que Coppi avait un diable dans le corps. Coppi est mort de tous ses rêves agrégés, le rêve de la survitesse et des amphétamines, le rêve de l'argent, le rêve de rendre grâce et confort à une bourgeoise d'un autre rang. Ça, c'est aussi tous les rêves d'un... les rêves très simples de cette après-guerre. Nel romanzo di Spence della Grande Corsa, Girardengo e Belloni, Binda e Guerra e ora Coppi e Bartali. Per tutti gli italiani, i corridori della Bianchi e della Legnano sono un po' come gli Orazzi e i Curiazzi. Il ciclismo non interessa se non diventa leggenda, di sfida o melodramma. Il pubblico vuole il duello rusticano, senza il romanticismo. Coppi par courir. En haute volta, le pays qui maintenant est le Burkina Faso. C'est Gemignani qui lui propose d'y aller. Il se rend là-bas, il y a du vélo, il y a quelques safaris, on va chasser dans les marais, et puis Coppi contracte la malaria. En 9 jours, Fausto Coppi est emporté, alors qu'il aurait suffi du traitement de l'époque, c'est-à-dire de la quinine. C'est une stupéfaction totale, on est au début de l'année 1960. Coppi qui a été quand même enterré vivant par la nullité des médecins italiens. Ça c'est aussi magnifique. On se croyait dans une pièce de Molière où les médecins manipulaient un faux savoir. Gemignani, qui a été atteint de la malaria en même temps que lui à Ouagadougou, a été guéri. Il y avait une ceinture d'un clergé médical qui a refusé de voir la vérité. Mais comme au Moyen-Âge, quand on pense que la saignée était profitable, on a laissé Coppi mourir sur l'autel d'un savoir totalement retardataire qui montrait encore le côté insulaire de l'Italie, qui était séparé encore de l'Europe en 1960. La mort de Coppi a été une offrande sacrificielle faite par... je sais pas, j'arrive pas à analyser cette mort de Coppi, mais pour moi, ça a été vraiment le... Ça a été la fin de quelque chose dans le vélo, hein, parce que... La dévotion est partie ensuite. Il y a un truc qui est parti. Et Bartali a survécu assez difficilement à ça. Coppi inaugure une série de morts tragiques de coureurs en activité, qui sont morts de leur sport, morts de la gloire. Coppi, c'est le héros du vélo qui a fait don de sa personne à son sport, qui a couru jusqu'au bout, un organisme fatigué, trop de courses, trop de produits dopants, l'envie de courir jusqu'au bout, la foi de trop. Bartali, c'est le héros aussi, pour évidemment de toute autre raison, celui qui va contribuer à sauver des centaines de juifs persécutés. Et l'un et l'autre vont avoir ce destin qui dépasse très largement le sport cycliste. Bartali appartient au vieux monde héroïque du premier quart de notre siècle. Un monde nietzschéen de Barès, de Pierre Lotti, de Gabriele D'Annunzio, de Mussolini. Un monde sensuel, décadent, voué au culte du surhomme. Bartali est le champion d'un monde déjà mort, le survivant d'une civilisation que la guerre a tuée. Il représente ce romantisme inquiet et inquiétant qui a atteint son faîte entre les deux guerres. Il continue dans le monde moderne l'esprit héroïque de la vieille Europe. Coppi est le champion du monde nouveau, enfanté par la guerre et par la libération. Il représente l'esprit rationnel, scientifique, le cynisme, l'ironie, le scepticisme de la nouvelle Europe, le manque d'imagination de nouvelles générations, leur credo matérialiste. Volare, cantare. Oh, oh, oh. Bartali Coppi, une rivalité italienne. Avec Philippe Bordas, Pierre Carré, Jean-Pierre de Mondenard et Alberto Toscano. Lecture des deux visages de l'Italie, Coppi et Bartali, de Curzio Malaparte, Francesca Fossati. Archivina, Sophie Enoch. Prise de son, Jean-André Giannichini. Mixage, Éric Boisset. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Anne Pérez. Une histoire particulière, c'est fini. Toute l'équipe d'Une histoire particulière vous souhaite un bel été à l'écoute de France Culture. Je vous retrouve chaque dimanche de 16h à 17h pour de nouvelles écoutes de la collection Été 2019 d'Une histoire particulière. Alors à dimanche prochain pour une autre histoire.